entre les hommes et les femmes, un projet démocratique vraiment unique et révolutionnaire. Donc on a fait une première présentation, il y a eu des débats, on va avoir une deuxième présentation là sur le contexte actuel. Et donc sinon, c'était juste aussi pour dire que n'hésitez pas à vous rapprocher, il y a du café, des gâteaux, on peut discuter, il y a des livres gratuits aussi si vous voulez un peu de documentation. Et donc voilà, et là, on va avoir une présentation d'une quinzaine, vingtaine de minutes. Après, il y aura des discussions libres. Vous pouvez poser des questions, même si sur des trucs qu'on a dit au début, on peut revenir dessus si vous n'étiez pas là, vous voulez reprendre la discussion. Voilà. Oh. Oh, bonjour. Enfin, moi, je donne justement un aperçu général sur la situation actuelle de Rojava. Bon, au début de octobre dernier, la Turquie a déclaré une guerre contre Rojava. Et l'invasion de la Turquie avec ses alliances au Rojava était, comme Erdogan a déclaré, c'était en fait créer une bande verticale de 30 km de profondeur dans le territoire de Rojava. Ça, presque toutes les villes en fait Rojava et contrôler ces zones et déplacer en fait les émigrés syriens installés en Turquie vers de s'installer installer ces dans ces zones là que c'est presque 3 millions personnes. Donc ça veut dire que il voulait en fait prendre tout Rojava, contrôler la territoire de Rojava complètement. Quelques jours plus tard, en fait, les États-Unis a fait un accord avec Erdogan. Et dans l'accord, il a plus ou moins, c'était pas très clair, mais plus ou moins il a accepté en fait cette demande d'Erdogan. Et après, il y avait un autre accord avec la Russie par Erdogan, que la Russie est là. En fait, ici, ils ont accepté plus ou moins, mais dans la pratique, applicable en fait, parce qu'il y a une balance des forces, plus on peut dire. Donc, appliquer ces idées, c'était pas si facile pour personne. Donc la Turquie a décidé en fait ce combat. Dans les médias, tout le monde dit qu'actuellement il y a un cessez-le-feu, mais c'est pas du tout vrai. La guerre a continué. Et après l'accord, les forces démocrates en fait, Hasada il a quitté Serikani. Serikani c'est une ville frontalière en fait entre Kobané et Rameshlou. Les forces turques, ils ont pris cette ville. Après, ils ont attaqué les sud de ville vers Tel Tamar. Tel Tamar, c'est sud-est de Serikani et s'installe entre Hasakeyt en fait. Et il y avait dans la semaine dernière, il y avait toujours la guerre entre deux forces. Et ils ont attaqué les villages autour de Tel Tamar, mais hier soir, on a reçu une nouvelle qu'ils ont entré dans la ville de Tel Tamar. Mais Hasada a déclaré, les forces en fait, de Rojava, ils ont déclaré qu'il n'y a eu qu'un accord pour laisser la place pour les forces turques. Jusqu'au présent, il y a la guerre. Il y a la guerre dans ce front. Et c'est le front le plus chaud à Tel Tamar. Et après, il y a des guerres à Grespi, entre Kobané et Serikani, entre à une autre ville qu'elle s'appelle Darbesia, entre Rameshlou et Serikani encore. Mais comme j'ai dit, le front plus chaud, c'est Tel Tamar, qui actuellement, il y a les forces russes. Mais les forces turques, ils n'ont pas encore entré jusque maintenant. À Rameshlou, en fait, il y avait d'explosions cette semaine. Il y avait une explosion dans un café et dans une église. à côté d'église, hein, l'église de Kaldani. Et il y avait malheureusement 5 morts et 26 blessés. Et parmi eux, il y avait une journaliste, il y avait un du comité de culture et art de Jazeera, Zozan Abdelkader Khaled Mohamed. Et en fait, le force de sécurité intérieure de Rojava, il a déclaré arrêter en fait les gens qui a fait ces explosions et c'était organisé depuis la Turquie. C'est pas encore clair que depuis l'État turc, mais c'était organisé depuis la Turquie. Et à Kobané, c'est très compliqué encore. En fait, les forces turques et russes ensemble, ils sont dans les villages, se passent dans les villages de Kobané, mais ça veut dire pas qu'ils ont contrôlé les villages Kobané non plus. Mais c'est heure par heure, ça change toujours les situations. Et il y avait les protestations, ils ont protesté. En fait, les gens, les habitants dans ces villages et la ville de Kobané, il y avait beaucoup de manifs, de protester contre cette présentation, la présentation des forces turques et russes ensemble. Et on avait malheureusement 8 blessés dans ces protestations. Et Afrin, comme Yana a expliqué aussi, en fait, mars 2018 a été contrôlée, occupée par la Turquie et ses alliances. Et depuis ces dates-là, c'est toujours contrôlé, mais il y a la résistance, toujours. La semaine dernière, il y avait 2 attaques et 4 soldats dans ces attaques. Donc, ça continue toujours la résistance, mais c'est contrôlé par la Turquie. Et bon, il y avait en fait Erdogan de trouver l'alliance au monde. Je pense que Trump, il a eu un voyage la semaine dernière, mais sans aucun résultat. C'est vrai que Trump, il est bien d'accord avec... même aux États-Unis, il y a des autres forces qui sont contre ça. Donc, il y a, par exemple, les démocrates, le parti démocrate, il était contre ce voyage. Donc, Erdogan n'a pas eu grand voyage. Voilà, ça, c'est la situation actuelle. En fait... la Turquie, en résumé, on peut dire que la Turquie essaie, comme il n'a pas pu créer une bande dans Rojava, il essaie de créer une bande horizontale entre Kobané et Ramishlu, entre deux chefs-lieux de deux régions, de grandes régions, parmi 3 régions. De Rojava, vous avez, il y a une map, ouais, ça c'est bien, c'est une bonne idée. C'est là, il y a Afrin, on a Afrin, là Kobané et Ramishlu. Donc Serekani c'est juste là. Ils ont insisté, en fait, ils vont créer une bande comme ça. Là il y a Hasaka. Pour isoler Kobané, déjà il y a Afrin qui est contrôlé, et il veut en fait isoler Kobané et Ramishlu et arrêter en fait la contact entre Kobané et Ramishlu, en fait la relation entre deux régions. Si vous avez des questions, moi j'ai en fait il y avait des détails, mais je pense que c'est pas la peine de parler. S'il y a des questions. Voilà, si vous avez des questions sur la situation en Rojava. Bonjour. Merci déjà pour la présentation. Moi, j'avais une question. La dernière ou à la fin de l'année 2018, il y avait eu une offensive des Turcs dans le à Afrin. C'était une offensive qui était assez bien nommée Rameau d'Olivier. Et au moment de cette offensive, au bout de un ou deux mois, du coup, la ville d'Efrine a été... Il y a eu un accord dans un résidu de territoire dans le canton d'Efrine entre le régime et les Kurdes pour déployer des troupes du régime. Et il me semble qu'il y a eu un accord similaire au niveau de Membij, je pense, où il y avait des troupes du régime qui ont été autorisées par les Kurdes à se déployer pour interrompre l'avancée des Turcs. Et moi, du coup, la question que je voulais vous poser, c'est... En fait, ça fait depuis des années que Erdogan parle d'une zone tampon entre la Turquie et les territoires. Et il y a déjà eu deux offensives avant celle de cette année contre les territoires kurdes. Une, du coup, à Efrin, et une déjà avant, c'était Bouclier de l'Euphrate contre Jarablus et Al-Bab. Et là, ça faisait depuis du coup des mois qu'il disait qu'il voulait continuer après la ville d'Efrin. Et ça faisait depuis un an qu'on savait que Trump voulait retirer les troupes américaines. Donc moi, ce que je comprends pas très bien, en fait, c'est je me doute bien que de la part des Kurdes et de leurs alliés arabes, c'est très difficile, c'est limite inconcevable d'opérer avec le régime de Damas pour les laisser pénétrer dans le territoire. Mais en face, il y a la Turquie, et vu ce que prévoit la Turquie, il y a vraiment un enjeu existentiel, en fait. Ils veulent déplacer des populations et mettre des réfugiés syriens arabophones à la place. Et du coup, je crois depuis un an que Trump a dit qu'il voulait retirer ses troupes, à défaut d'avoir des troupes de substitution comme des troupes françaises ou britanniques qui auraient pu remplacer les troupes américaines pour s'interposer face aux Turcs. Pourquoi ne pas avoir passé un accord avec le régime ? Parce qu'au final, c'est ce qu'ils ont fini par faire, en fait. Le régime, il y a des troupes du régime qui ont fini par pénétrer dans le Rojava pour monter jusqu'à la frontière. Donc pourquoi ne pas l'avoir fait avant, tant que les Kurdes étaient dans un rapport de force qui leur était pas trop défavorable ? Alors qu'en fait, du coup, ils ont dû passer cet accord un peu dans l'urgence, face à des Turcs qui pénétraient le territoire et du coup qui menaçaient déjà toutes les villes à la frontière. Du coup, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas eu une anticipation, alors qu'on pouvait sentir que, quand même, dans les mois à venir, Erdogan risquait de mener une nouvelle opération contre le Kurdistan. En fait, pourquoi est-ce que sur le plan politique, il y avait absolument... Alors que le front au niveau de l'Euphrate, il est quand même assez stable depuis un ou deux ans. Pour Jim et la région autonome de la région fédérée du Rojava, pourquoi il n'y a aucun dialogue politique, en fait? Parce qu'il y a un moment, il fallait bien de toute façon y avoir... Il devait y avoir un dialogue politique entre les deux pour essayer de résoudre le problème qui est né de la révolution, en fait. C'est le problème politique en Syrie. Du coup, en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y avait aucun dialogue entre les deux? Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'il y avait aucun dialogue. Depuis 2012, il y avait des dialogues, mais les Rojava, les forces de Rojava, ils ne pouvaient pas confier ni politiquement sur les forces, ni militairement. Pardon. Les Syriens, le Bachar Assad, le régime syrien, je pense qu'il est si faible que toute seule, elle ne peut pas décider, elle ne peut pas même protéger certains. Et il est toujours une alliance avec la Russie et l'Iran. Et les Kurdes, en fait, c'est lui-même, il ne peut pas protéger. Il n'a pas si force, en fait, pour... Donc, tout d'abord, il faut directement parler ou faire un dialogue avec la Russie. Ce que les Kurdes, ils ont fait. Depuis, même au début de la révolution en Syrie, ils ont commencé à dialoguer avec la Russie. Et même jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que toujours, voilà, aujourd'hui, à Tel Tamer, il y a les forces russes. Mais la... Les forces syriennes, le régime syrien, je pense qu'il n'a pas capacité de protéger ou de faire une alliance avec Rojava pour... En fait, ça ne sert à rien, à mon avis. Malgré qu'ils ont toujours essayé. Hein, que, comme il y a des forces syriennes encore, régime syrien, au Qamishlu aussi, il y a au centre de ville, il y a une bande... Et tu peux continuer. Pour compléter ça, en fait, Déjà, c'est difficile pour l'administration autonome de négocier. Si je dis massacrer, oui, on peut dire massacrer les Kurdes depuis en 30 ans, refuser de reconnaître leur existence, etc. C'est pas une évidence. Ensuite, il y a eu effectivement au bout d'un moment l'idée de pouvoir négocier, mais pas à n'importe quelle condition, et notamment sans question de toute l'autonomie politique. Et ça, le régime a toujours refusé, et la Russie n'a pas fait grand-chose pour appuyer. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est plutôt la Russie... c'est toujours difficile de faire des analyses alors que les choses viennent de se passer, mais on a un peu l'impression que la Russie a laissé Rojava, les forces démocratiques syriennes, s'affaiblir suffisamment pour les forcer à négocier avec le régime. Mais en même temps, quand ils ont fini par accepter déjà un compromis militaire, qu'est-ce qu'a fait le régime? Il a envoyé des hommes sans ligne d'approvisionnement, ils se sont fait masser, et c'est les hôpitaux kurdes qui ont dû se charger des blessés. Donc c'est, au final, ce qu'on a l'impression de voir, c'est qu'après une semaine où les forces démocratiques syriennes ont essayé de regarder ce que ça donnait d'avoir l'aide du régime, celui qui est le porte-parole, Mazloum, finalement, en fait, ça sert pas à grand-chose. Donc on va arrêter de dire qu'on négocie avec le régime, et on va voir directement, alors soit avec les Russes, avec lesquels ils sont déjà en négociation, soit les Américains qui reviennent au bout de 3 semaines et qui se réengagent à sécuriser une zone plus ou moins. Mais après, très flou, mais voilà. D'autres questions? Ouais, revenir sur un point de tout à l'heure. En fait, ce qui se passe au Kurdistan, ça me fait penser aux intérêts américains qui, en fait, ont un peu le même problème avec ces pollutions, ces populations natives qui ne reconnaissent pas l'existence et qui tentent de s'organiser pour survivre et pour redévelopper leur territoire et leur économie. Donc, ils ont peut-être pas envie que ce soit un exemple actuellement les Amérindiens. Et il y a d'autres enjeux, mais ma question en fait, c'était surtout la Turquie a ses alliés, le régime syrien a ses alliés, encore plus ou moins, l'Irak a ses alliés, et les Kurdes du Rojava. Oui, il y a une phrase qui dit que les Kurdes, ils ne sont pas amis que les montagnes. Hein. Je pense que c'est vrai. Mais bon, c'est là. Il a essayé de. Il était obligé de négocier avec la Russie, avec les États-Unis, mais on ne peut pas dire que les Kurdes, avec ses alliés. Je ne peux pas dire les Kurdes, en fait, les forces démocrates, parce qu'il y a. Dans cette force, il y a pas des Kurdes, des Arabes, des Assyriens. Cette force, actuellement, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas allié, non. Même parfois, le parti de Taliban, elle a essayé d'aider, mais c'était pas suffisant, en fait. Non, il n'a pas une alliance. Du coup, comment ça se passe pour les populations genre civiles non combattantes, par exemple dans les villes qui sont occupées maintenant et hors des villes? Oui. En fait, c'était une question que hier soir, moi j'ai demandé à un habitant que, où est votre famille maintenant. Elle a dit qu'ils ont émigré. Ils ont en fait allé vers Hasaka avec les zones qui sont encore contrôlées par les Kurdes. Malheureusement, la ville, presque, il y a presque personne. Ni Sarika, ni Afrin, pareil. Hein, ce qui s'est passé à Afrin, malheureusement, c'est en train de répéter ce qui se passe à Afrin dans les villes qui sont actuellement contrôlées par les Russes, par les forces russes et turques. Voilà, vers Hasaka. Hasaka, c'est là. Donc, Sarikani, c'est là. Moi, j'ai demandé, ils sont vers cette zone-là. Parce que, justement, je vais ajouter, parce que là, il y a des gares. Autour de Sarikani et de Teltami, il y a des gares. Donc, il fait, vers Hasaka. En fait, aussi, on est dans... plus pur style moyenâgeux, c'est-à-dire que les troupes au sol sont majoritairement des supplétifs de groupes islamistes radicaux. Il y a des forces spéciales turques aussi et des conducteurs de tanks, mais la plupart des soldats au sol, c'est des supplétifs. Et donc, en gros, ils ont le libre cours pour piller les villes. Donc, ils pillent les boutiques, ils pillent les ressources, comme à Afrin, exactement pareil. Où ils ont tout pillé, kidnappé les gens, demandé. Il y a un système d'enlèvement rançon qui se met en place. Voilà, c'est assez horrible. Et surtout, les images, enfin, ce qui filtre sur Twitter, c'est assez effrayant. Ouais. Quelqu'un d'autres questions? Oui. Donc en fait, pareil à une menace hypothétique, vu ce que j'ai entendu, bien improbable, d'invasion de la Turquie par le Kurdistan, ils sont en train de nettoyer une région et de détruire une initiative sociale, politique et surtout de se débarrasser d'une population, créer un no man's land qu'ils vont pouvoir occuper eux-mêmes. Quoi. C'est une guerre. Enfin moi, ça me rappelle les guerres coloniales qu'a pratiqué l'Europe. C'est ça. Moi, je voulais juste réagir par rapport à la question de l'alliance avec le régime et tout ça. C'est que, d'abord, le problème, c'est que c'est ce qui a été reproché aux autorités de la région autonome du Rojava depuis le début. Déjà, le PID, qui était un peu la fraction majoritaire portant ce projet, depuis 2011, mais surtout en 2012, quand ce qu'on appelle la révolution syrienne, le soulèvement populaire en Syrie, on appelle comme ça révolution syrienne. La première fois en Syrie, il y a un mouvement populaire qui s'est déclenché dans une grande majorité des villes syriennes, ce qui n'a pas de précédent, et que le régime syrien, qui a duré plus de 40 ans, avec Bachar le père, qui a écrasé toute position des communistes, aux nationalistes arabes, aux islamistes, des frères musulmans dans les années 80. De toutes les années 80 et 90, c'était la désocialisation. On parle bien de la désocialisation de la haine. Il n'y a pas, par exemple, démantèlement de toute la société civile. Les gens qui constituent, par exemple, les Ligues des droits de l'homme ou les associations ou un groupe d'intellectuels qui se réunit pour faire un communiqué ou qui serait considéré comme un acte politique fondamental, puisque rien n'est permis, il n'y a que l'État et ses partisans dans un système très tribal, avec un favoritisme et tribal qui a jugulé toute la situation politique. Mais bon, en 2011, les forces du PID, par exemple, et progressistes en Syrie étaient contre la militarisation du mouvement. Pourquoi ? Parce que dans les autres pays arabes, ce qui s'est produit en Libye par exemple, à côté en Irak, ce qui a créé le démantèlement de toutes les structures de la société, ils ont avancé la proposition contre la militarisation qui amènerait forcément une confessionnalisation, une séparation, je ne sais pas comment appeler ça. Et on lui a reproché depuis le début de faire un compromis avec le régime. C'est-à-dire, après la constitution des forces de protection du peuple, s'est constituée la première fois quand il y avait l'agression et le kidnapping d'une centaine de jeunes Kurdes par des milices islamistes à Alep. On lui reproche au YPG à l'époque de collaborer avec le régime dans l'étouffement, dans l'écrasement de la révolution, alors que c'était des milices islamistes qui étaient contre, qui agressaient des populations civiles dans le quartier kurde d'Alep. Après, les alliances avec le régime de Bachar qui sont venues après la dernière agression des forces de l'armée turque, ce n'était pas une alliance politique, ça pouvait pas avoir lieu. Le régime syrien est toujours en guerre contre les dernières villes qui sont tenues encore par quelques composantes la dite armée syrienne libre. Je ne doute pas, par exemple, de la sincérité de certains groupes, mais bon. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, la Turquie est partie prenante dans la guerre civile syrienne depuis le début. C'est pas seulement aujourd'hui qu'elle utilise des supplétifs pour agresser des populations civiles, pour essayer de démanteler le projet social, politique du Rojava, mais ils ont collaboré, ils ont mis en place et financé et même armé des groupes qui leur étaient affiliés. Et ils n'ont jamais cessé de déclencher des foyers dans les différentes villes. Ils ont très bien collaboré parce que la frontière, quand il y avait l'État islamique qui a conquis même les villes du nord, la frontière était très étanche. Il y avait des échanges commerciaux, il y avait des transferts d'armement. Après, la dernière alliance, d'après le porte-parole ou le dirigeant des YPG, il disait que ça pouvait protéger la frontière syrienne, parce que dans le projet politique du Rojava, ils n'étaient pas pour la constitution autonome, mais de mener vers un projet démocratique de la Syrie. Donc une démocratisation de la Syrie, une décentralisation du régime. Et l'appel en dernier recours aux forces du régime pour venir sécuriser sa propre frontière, puisque le régime d'Assad réclame toujours l'indivisibilité du territoire syrien, c'est dans ce sens-là que les forces démocratiques syriennes ont fait appel au régime pour protéger, et c'était pas une alliance militaire à proprement parler, parce que l'un des ennemis encore présent du projet du Rojava et des forces démocratiques syriennes et de toutes les populations du territoire, c'est aussi et encore le régime central d'Assad. Si les États-Unis ont abandonné, comme on dit, le Rojava, c'est qu'ils sont contre. Et si les Turcs l'attaquent, donc les ennemis du Rojava se dessinent de toutes parts. Et voilà, je parle. Voilà, le problème, c'est ça, que quand il y a le risque de nettoyage, on n'a pas d'autre choix que, voilà, c'est soit avec, il faut choisir entre les États-Unis, la Russie, Bachar Assad, des conneries comme ça. Bon. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais deux questions plutôt justement par rapport à la question géopolitique et internationale. Déjà, je voulais savoir, que ce soit dans l'historique, les liens avec le Liban, et puis actuellement par rapport au qui se passe là-bas, est-ce qu'il y a des liens avec le Rojava? Et puis après, sur une réflexion plus par rapport à l'inaction plutôt de l'Europe et des États-Unis, je me demandais si d'une certaine façon de laisser faire la Turquie, c'était pas aussi un moyen après d'intervenir pour aller entre guillemets pacifier la zone et venir la normaliser sous une norme, enfin sous un rapport plus classique de on va mettre quelqu'un on va installer un processus de la démocratie plus occidentale pour éviter justement que ce qui se passe là-bas et qui a une dimension révolutionnaire et qui a une dimension, parce qu'on a vu que ils se sont fait connaître et qu'ils ont été en lien avec plein d'autres luttes, je pense en France à Notre-Dame-des-Landes, mais avec plein d'autres ZAD à travers le monde. Et donc je me demandais s'il n'y avait pas en fait aussi, au-delà de la question Russie, etc., une volonté derrière de devenir ensuite en tant que sauveur pour aller normaliser cette zone, quoi. Europe, États-Unis, que là, du coup, ils laissaient la merde se augmenter pour ensuite venir un peu en tant que sauveur et mettre derrière un système qui leur irait mieux plutôt que la façon dont ça se passe, c'est-à-dire avec cette autonomie qu'ils craignent beaucoup, parce que c'est quand même quelque chose qui se développe dans tous les mouvements sociaux à travers le monde, donc ils craindraient que ce soit un exemple qui puisse être reproduit ailleurs. Donc, comme ils ne pouvaient pas l'écraser directement parce qu'il y avait eu des soutiens dans la lutte contre le djihadisme, etc., ils ne pouvaient pas l'écraser directement. Par contre, le laisser écraser par d'autres, en faire comme s'ils allaient le sauver, ça leur aurait permis justement d'installer peut-être un système qui leur allait mieux. Je ne sais pas si c'est clair, mais... en fait, justement sur les Libans, moi je suis pas. En fait, j'ai jamais entendu. Si tu connais bien. Ouais. Et pour les Européens, on sait que les réactions étaient très passives. Et moi, je pense que c'est pour eux, c'est mieux de laisser en Turquie, les Turquies, de faire ça, parce que je pense que Trump, une fois, elle a dit que le PKK que djihadisme pour moi. Et c'est pas pour Trump, je pense que pour tous les systèmes capitalistes, bien évidemment, c'est plus dangereux. Donc, je pense qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose. Bon, dans les médias, ils disent qu'on a arrêté d'envoyer, de vendre les armées. Mais on est sûr que quelques mois après, voilà, ils ont recommencé de vendre. Mais sinon, ouais, c'est bien clair que pourquoi il a pas envie de faire quelque chose contre ça et préfère de laisser en fait pour l'instant, c'est, voilà, de laisser surtout qu'il y a une menace et que toujours la Turquie, même aujourd'hui, elle a encore menacé les pays européens. Si vous voulez dire quelque chose, moi je vais ouvrir la porte pour envoyer les immigrés vers les Europe. Voilà, si. Ouais, effectivement, malheureusement, les contrats économiques avec la Turquie pèsent plus lourd que le sort des millions de Kurdes, hein, pour les États occidentaux, je pense. Et du coup, préfère que Carrefour continue à vendre, Carrefour, Decathlon, qu'on continue, la main continue à vendre ses tanks, tout ça. Ils sont pas prêts de s'arrêter. Les Kurdes, ils ont pas de ressources naturelles. Il y a du pétrole, mais il y en a pas beaucoup. C'est pas le plus rentable. Ils ont pas grand chose à offrir, si ce n'est un système autogestionnaire, démocratique, avec la libération des femmes. Pas franchement dans l'air du temps non plus, dans le coin. Donc effectivement, ils laissent faire. D'ailleurs, juste pour finir là-dessus, on voit bien le sort réservé aux volontaires internationalistes, avec des articles assez orduriers publiés dans Mediapart ou par c'était quoi, Flick, qui les traite de terroristes, etc., parce qu'ils sont allés défendre un projet démocratique. Ça laisse songeur quand même. Et par rapport au Liban, alors il y a une grosse communauté kurde au Liban historiquement, puisque le PKK s'était établi là-bas dans les années 80. Après, par rapport au mouvement actuel du Liban, j'ai pas lu de quiconque ou voilà. Je saurais pas en dire plus. Par contre, il y a effectivement une communauté kurde au Liban. Ouais. Juste une petite remarque, des ressources naturelles au Kurdistan. En fait, c'est une région qui fait partie du croissant fertile, avec un énorme dépôt de limon qui fait, dans certains coins, je crois, plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. Et donc, en fait, il y a une ressource potentiellement stratégique pour les années à venir, c'est le phosphore. C'est un sol riche en limon, donc il y a plein de phosphore dedans, et les réserves de phosphore mondiales sont en train de s'épuiser. C'est purement projectif et purement spéculatif, mais ça fait une ressource potentielle. Mais il faut de gros moyens industriels pour l'utiliser. Je pose une question à Yann, qui a parlé tout à l'heure de l'organisation de l'économie à Rojava, et des coopératives, le système des coopératives. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus sur comment ça s'organise, les coopératives de production et de consommation, et leur relation avec ce qu'ils appellent la biosphère ou l'écologie? Voilà. Oui, du coup, d'abord dans la théorie en fait, depuis 2014, l'idée de la structure coopérative comme étant une réponse, comme une production capitaliste avait été émise. Donc l'idée d'utiliser l'outil coopératif, parce que la coopérative en soi c'est pas forcément une remise en cause de l'économie, mais disons que c'était le biais par lequel une nouvelle économie, donc plus respectueuse de l'environnement, doit se déployer d'après le mouvement. La première chose qu'ils ont mis en place, c'est essayer de faire de... Il y a très peu de production en Rojava. Production agricole, massive, mais par contre une production industrielle, il n'y en a pas. Quasiment pas. Du coup, ils ont essayé de mettre ça en place pour la production agricole, d'abord sous forme de coopérative. Cultiver des terres en commun et puis se répartir les revenus et le travail de manière équitable, quoi. Qu'il n'y ait pas de casser l'idée de chaîne hiérarchique dans la production. Et après, petit à petit, il y a des petites coopératives qui sont mises en place à différents niveaux. Ça peut être soit au niveau alimentaire, donc agricole, soit au niveau de la production textile, parce qu'au Rojava, il y avait beaucoup d'ateliers textiles, en fait, et qui, ça faisait partie des, de l'activité de la région. Et aussi au niveau de, des coopératives d'achat, voilà, où un groupement de co-accord pour acheter en gros des produits et les revendre dans un magasin géré de manière coopérative. Ça s'est pas décliné partout de la même manière. C'est pour ça que je parlais, je disais tout à l'heure que le mouvement des femmes était vraiment abouti. Pour le coup, les exemples que j'ai de coopératives du mouvement des femmes, c'est ça. C'est des ouvrières en assemblée toutes les semaines pour décider de la production, pour décider de ce qu'elles vont produire en réponse à quelles commandes et qui se répartissent équitablement tous les revenus. Sans et chacune peut à un moment les postes changent. Il n'y a pas qu'une qui fait que de la production ou que de l'organisation. Non, ça tourne et chacun doit être capable aussi d'assurer les tâches, d'apprendre aussi, de se former pour assurer les tâches. Dans d'autres endroits, on n'est pas aussi abouti. Je me rappelle d'une coopérative de chips qui fabriquait des chips, voilà. Et où là, par contre, les revenus n'étaient pas distribués par une espèce de hiérarchie entre certains postes et d'autres. Mais par contre, il y avait quand même cette idée de faire une assemblée régulière pour décider de la production, proposer des idées, etc. Et donc, ces coopératives, ça devenait en fait à la fois des lieux économiques, mais aussi des lieux de formation pour les gens, bah, de formation justement au savoir-faire pour la production. Alors ça s'est mis en place, évidemment, ça a pris un peu de temps, donc ça s'est développé progressivement, et il y avait à la fin quand même un comité responsable de ça, mais ça n'a pas encore eu le temps de se développer de manière massive pour les besoins. Et après, du coup, l'idée, je pense que ça, c'était plutôt la deuxième étape, mais il aurait fallu plus de temps, c'est de pouvoir faire en sorte que les productions, notamment agricoles, soient de plus en plus respectueuses de l'environnement. C'est-à-dire que jusque-là... ils avaient encore les agriculteurs avaient encore l'habitude d'utiliser des et à la main en plus, hein, je lui faire, ils prennent un sac d'engrais, hop, on lance à la main dans les champs. C'est des habitudes qu'il fallait qu'un peu casser parce que ça prend aussi du temps à renouveler, et ça c'était en cours avec notamment le travail, le camarade parlait de Make Rojava Green Again, le travail de la communauté internationaliste, c'était des modes de production agricole respectueux de l'environnement, avec des techniques de permaculture qui permettent de pas utiliser d'engrais, moins d'eau, etc. Mais c'était encore un peu en début, quoi. Ça commençait, c'était en train de se mettre en place, et il aurait fallu plus de temps. Enfin, ça va continuer, espérons-le, mais l'attaque turque a clairement freiné tous ces projets, quoi. Et après, par contre, quand même, dès 2014, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'agriculture, c'était pas massif, mais déjà en 2014, il y avait des expériences de culture sous serre pour cultiver autre chose que du blé, par exemple avoir des dattes, du piment, etc. Dès 2014, il y avait des coins où ils étaient en train de mettre ça en place et de regarder quelles étaient les meilleures façons de cultiver pour pouvoir ensuite élargir ça au reste de la zone. Pardon, moi, j'aurais une petite question complémentaire. Steve, quel est le mécanisme de mise en place ? Est-ce qu'il y a des fonds qui viennent de manière... il y a une sorte de centralisation des fonds ou voilà. Ouais, une bonne question. Du coup, je dis pas non plus que ma réponse c'est les exemples que j'ai eus. Il y a au niveau déjà les fonds, c'est une question intéressante puisque la zone est sous embargo et fermée, donc on peut se demander d'où viennent les capitaux. Alors c'est toujours de toute façon une zone grise. Il y a toujours des zones grises sur les zones de conflit, et il y a notamment en fait des marchands. L'administration autonome a dû accepter un compromis, c'est-à-dire laisser des businessmen qui avaient des connexions avec le régime, avec là, continuer leur business parce que c'était eux qui pouvaient sortir et faire rentrer des capitaux. Donc déjà voilà comment l'argent peut circuler. C'est-à-dire c'est pas complètement étanche. Et après pour les coopératives, il y a d'art. La première c'était que les personnes qui souhaitent ouvrir la coopérative mettent en commun leurs capitaux et ouvre la coopérative, et ensuite une partie des bénéfices est mise de côté pour le fonctionnement de la structure et pour l'extension de la structure. Quand ces capitaux sont pas suffisants, l'administration propre et pouvait donner des fonds avec ils avaient fait une espèce de système bancaire de prêt à taux zéro, si on peut appeler ça comme ça, qui leur permettait de donner des fonds aux structures qu'on avait besoin pour pouvoir démarrer. Non, mais c'est intéressant au niveau de exemplaire, quoi, ce que ça peut au niveau d'un modèle et comment s'il y a d'autres tentatives dans le monde, ça peut déjà servir un peu de point de référence. Peut-être une autre question, si ouais. Moi j'aurais une question, j'aimerais savoir comment vous traduiriez la passivité des États par rapport à cet embargo et aux attaques successives. Est-ce que selon vous c'est plus lié à justement ce que Yann définissait tout à l'heure, une situation d'arrêt économique plus qu'agréable pour eux, ou justement à une menace qui serait liée à typiquement de la géopolitique, dans le sens où beaucoup d'États modernes, des pays développés, comme on appelle ça en histoire, hein, pourraient avoir un système d'un fonctionnement qui se met en place, malgré tous les aléas, la violence qu'ils peuvent essuyer et le mépris. Là, je pense notamment aux camarades internationalistes qui vont les soutenir. Comment tu traduirais ça? Moi, je pense que c'est plus vraiment une peur, un truc nouveau, qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, qu'ils n'arrivent pas à écraser, et qui justement est en train de toucher un maximum de personnes à travers l'éveil des générations qui est en train d'arriver, et le fait qu'on en parle de plus en plus et que ça soit de plus en plus médiatisé. Économiquement, oui, ils me bloquent. En fait, ça fait quelques années qu'ils ont bloqué. Je pense que, comme on a dit, qu'il n'y a pas une alliance avec Rojava à cause de ses idées. Et tout, ils ont peur, comme on a parlé, de ses idées. Les idées de Rojava, autogestion de Rojava, mais autour de Rojava, bon, ils ont guerrière jusqu'à l'année dernière. Il y avait les voisins de Rojava, c'était Daesh. Daesh, et pour un peu de frontière, en fait, c'était le régime, le régime. Le reste, c'était Daesh. Donc, et au nord, il y avait la Turquie. Donc, on comprend que pourquoi c'est lié géographiquement. Il n'y avait pas d'autre. En fait, parfois, ils ont essayé de faire une bande avec le Kurdistan d'Irak depuis Soleimani. Les zones contrôlées par, dominées par la partie de Taliban. Talibani, en fait, pas Taliban. C'était pas du tout suffisant et il n'y avait pas d'une autre solution. Voilà, le problème, c'était ça, que c'était impossible d'un échange avec les autres régions. Ouais. Et actuellement, pire que même avant, parce qu'ils ont, même maintenant, ils ont perdu cette relation avec Soleimani. Et complètement encerclé. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ou pas? C'était clair ou pas? T'as besoin de... Bon, du coup, si je comprends bien, on est plus sur de la géopolitique liée à l'impossibilité pour eux d'établir une ligne de contact direct à cause de la situation géographique de la Syrie, quoi, du Nord, d'État démocratique de Syrie du Nord, et des camps, des différentes de factions établies entre eux et des nations qui pourraient potentiellement leur venir en aide. Même je pense que c'est pas justement la question géographique, la question de politique aussi. Il n'y a pas un régime dans le monde qui veut volontairement faire une alliance prendre la relation avec le système autogestion de Rojava. Côté, c'est clair que pourquoi il ne veut pas. C'est d'autres côtés, c'est ça toujours. C'est une question qui ça reste, et que le Kurdistan n'a pas un État, donc place dans le monde non plus. Même le Kurdistan d'Irak, il n'a pas de place dans le monde, malgré que il est bien d'accord avec les idées dominant dans le monde, capitalisme du monde. Comme il n'a pas d'État, donc il a le même problème, pas si compliqué que Rojava, mais il a encore des problèmes aussi. donner un exemple de ça, le fait que le Rojava soit pas un État, ça a servi de justification à par exemple l'UNICEF pour pas pour les écoles du Rojava et pour les enfants. Parce qu'on le, on s'est cité directement dans un documentaire qui s'appelle Une utopie au cœur du chaos syrien, réalisé par Myriam Kour et Chris Denon, où le responsable de l'éducation dit que l'UNICEF a refusé de les aider à remettre les écoles en place parce qu'ils ne travaillent qu'avec des structures étatiques. Pour l'aide humanitaire médicale, les grandes ONG médicales, la plupart en ont pas, ne sont pas intervenues directement au Rojava sous prétexte qu'elles ne traitaient qu'avec des États. Donc on voit un peu le degré d'isolement en fait qui a pu être donné au Kurdes, et on leur a demandé quand même de centaines de milliers de réfugiés sans aide médicale importante, tout comme on leur a demandé de prendre en charge des dizaines de, enfin une dizaine de milliers de prisonniers combattants radicalisés, extrêmement formés et dangereux, en transformant une ancienne université en prison. Mais on leur demande aujourd'hui de les garder. Et j'ajouterai juste ça, il y a un article très intéressant qui est paru dans Le Monde, écrit par Alan Caval, qui, je trouve, a une très bonne conclusion, en tout cas je l'ai entendu aussi en parler, que les prisons où sont retenus les combattants de Daesh sont pas des prisons kurdes, sont des prisons françaises. C'est des prisons françaises, américaines, hollandaises, c'est en fait les prisons de toutes les nationalités des combattants de Daesh qui y sont. Et on a demandé aux Kurdes de les garder. Les Kurdes ont autre chose à faire, enfin les Kurdes, les forces démocratiques syriennes, pardon. On leur a demandé de garder les prisonniers alors qu'ils ont bien autre chose à faire, ils sont en train de se battre pour conserver leur liberté, leur autonomie politique. Et tous ces États ont refusé de prendre en charge leurs ressortissants là-bas. C'est-à-dire que ces zones, en fait, sont clairement des zones de non-droit. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, ce que sont en train de faire les États occidentaux dans ces prisons, c'est de finalement de donner raison à Daesh. Ils sont en train de montrer que bah, quand Daesh, les occidentaux étaient corrompus, etc., bah ouais, ils sont en train de leur montrer, puisque ces combattants ne seront pas jugés. Ils ne seront pas jugés, donc ils ne seront pas reconnus coupables aux yeux de la justice internationale. Les victimes n'auront pas droit de parole. Les victimes des attentats du Bataclan, par exemple, n'auront pas droit de parole, parce que les combattants qui sont là-bas ne seront pas jugés en France. C'est des Français qui sont partis là-bas. Donc on est entré que oui, les pays occidentaux sont des pays où la règle, la soi-disant état de droit, bah, n'existe plus vraiment. Et c'est l'exemple, je pense, poussé à l'extrême auquel on arrive quand on regarde après tout le comportement qu'il y a eu envers le Rojava, le fait de refuser de l'un État tout en lui sous-traitant la charge des prisonniers occidentaux. On arrive quand même à des choses assez sales de notre point de vue. Ouais, j'aurais deux questions. Une, c'est vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu un blocus aussi de la région autonome irakienne kurde par rapport au Rojava. Donc c'était pour savoir, au-delà de qu'est-ce que ça suppose derrière, en fait, c'est quoi la posture officielle de la région autonome kurde en Irak par rapport au Rojava syrien. Et une deuxième question, c'est plus par rapport à la société kurde en Syrie. Le Rojava autonome met beaucoup en avant le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est, enfin, je pose cette question en fait parce que je sais pas du tout quel est le socle de valeurs familiales, de valeurs religieuses qui dominaient dans la société kurde pré-révolution de 2011. Et donc c'était pour savoir dans quelle mesure des principes comme l'égalité homme-femme, le droit pour les femmes de se marier avec qui elles, quelle mesure ça entre parfois ou pas en contradiction, ou dans quelle mesure il peut y avoir un choc avec un socle de valeurs traditionnelles dans la société kurde de Syrie. Est-ce que c'est une question qui se pose ou pas? Bon, sur la première question, c'est en fait la réaction. Je me souviens la réaction officielle du Kurdistan d'Irak par rapport de. Officiellement, en fait, on peut pas parler sur une seule chose. Il y a en fait le Nichirvan Barzani. Une fois, elle a dit que c'est la question des le premier ministre. Elle a dit que la Turquie n'a pas problème avec les Kurdes, elle a problème avec PKK. Donc voilà, c'est enfin il a répété la même chose, le même discours de la Turquie. Et mais bon, à côté de lui, il y avait des autres voix aussi contre la Turquie. Ils n'ont pas, je pense, osé de prendre une réaction claire parce que la population kurde d'Irak, ils sont complètement voilà, d'accord avec Rojava, comme actuellement il y a un boycott sur les productions de la Turquie. Il y avait beaucoup de manifs, donc le gouvernement ne peut pas prendre une réaction facile. Et sur la deuxième question, Rojava, les habitants, il y a des musulmans, la plupart sunnites. Bon, Rojava, tout complètement chez sunnites. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiens et assouriens, on peut dire, Izadi, il y a des Izadi aussi, ça change pas grand chose en fait après Rojava, parce que là au Rojava il y a pas en fait l'islam politique était très très faible, donc ça pose pas grand problème. À par rapport des idées de Rojava, quand il y a l'islam, en fait, il y a le soufisme, mais historiquement, c'est fort. Ça pose pas de problème. Comme c'est pas islam, c'est pas si politisé quand on voit dans le niveau du monde. Et hors des questions, mais c'est une société, on peut dire, comme ailleurs, au Moyen-Orient. C'est une société, on peut dire, quand même patriarcale, conservateur. Et il y a beaucoup de problèmes par rapport à ces questions, la question de l'autorité des familles, l'autorité des hommes sur les femmes. Et ils ont toujours essayé de gérer conseil régional, des conseils de quartier. Par exemple, une fois, un conseil il nous a raconté que comment ils ont commencé à parler, comme il y a les tribus aussi, plutôt les tribus arabes au Rojava. Ils ont dit qu'on a commencé à négocier avec les tribus sur la question des mariages des filles mineures, moins de 18 ans. Ils ne voulaient pas du tout accepter, mais peu à peu, les conseils des quartiers, ils ont commencé à négocier avec eux. À la fin, ils étaient acceptés, parce que dans les quartiers, il y a des forces, il y a des combattantes femmes pour protéger en fait les intérêts des femmes en cas de violence, mariage forcé, de mariage de mineurs, des choses comme ça. C'est que les femmes dans ce cas-là qui viennent de régler. Donc voilà, toujours, c'est pas facile, c'est pas du tout facile, c'est très compliqué, mais c'est bien avancé à mon avis. Comme j'ai donné cet exemple, c'était un espoir pour nous quand il a raconté en fait le parcours de régler ce problème. Pour donner un autre exemple, à Mount Beach, qui est une ville à 70% arabe et le 10-15% kurde et autres, et qui était très conservatrice, le mouvement des femmes, justement pour proposer ses idées, a pas cherché à les imposer non plus de force. Elle a fait du porte-à-porte, elles ont fait du porte-à-porte en fait, et ça a pris plusieurs mois avant de pouvoir amener des femmes qui n'étaient pas familières du pays, soit kurde, arabe ou turkmène, à participer aux assemblées, aux sessions de formation. Mais c'est en fait en faisant ça et en essayant de, à la fois en, en assurant à la population un niveau de service et de conditions de vie correctes et à la FAPORT et en essayant de convaincre les gens que petit à petit elles convainquent une personne, deux personnes, trois personnes et puis à la force elles en parlent autour d'elles et petit à petit en fait on a une idée qui commence à se propager dans la société. Et puis deuxième chose, toutes les pratiques patriarcales conservatrices au final elles avaient une autre option. Il y en a beaucoup aussi qui s'en sont emparés, des maisons de femmes où elles pouvaient, comme disait la camarade, aller en cas de violence, des forces armées. Les forces armées de féminines, les unités féminines ont aussi ça que l'exemple de jeunes filles, par exemple, qui ont vu l'opportunité en fait de sortir du cadre familial, c'est-à-dire d'aller dans une structure qui leur proposait une formation qu'elles pouvaient pas avoir, qui leur proposait aussi de pas forcément être marié à 18 ans, etc. Et ça a permis, par exemple, un autre modèle de vie pour ces jeunes filles ou ces femmes. Et c'est des idées qui, du coup, se sont propagées petit à petit dans la population. Parce qu'en plus, comme tu l'avais dit, il n'y avait pas un ancrage d'islam politique qui veut dire. C'était. Malgré des autres. Zone de Kurdes, particulièrement Kurdistan d'Iran, Kurdistan d'Irak, on a des forces islam politiques, on a des courants fréristes, on a des courants salafistes, on a plusieurs courants. Au Rojava, on a pas du tout historiquement. Juste, bon, je sais qu'il n'y a pas les légendes, mais sur les photos, on voit des exemples de lieux de formation entre femmes, de femmes, et aussi de les communes. On voit un exemple de communes co-dirigées, parce que la co-direction homme-femme, c'est un des principes du système. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En fait, c'était pas une question, plus une remarque. C'est donc ces femmes combattantes du Rojava. Je sais qu'elles sont présentées un peu comme une vitrine de la résistance du Rojava, comme c'est la photo médiatique qui est posée, mais moi ce que j'y vois surtout c'est la lutte armée, c'est la guerre, c'est pour défendre les droits des femmes, pour défendre le territoire, mais c'est aussi une avancée féministe importante puisque c'est une reconnaissance que le port des armes, que la lutte armée, que le conflit, c'est pas un truc d'homme. Et du coup, ça destitue l'homme en tant que défenseur du territoire et protecteur de la femme qui est elle-même capable de se protéger. Et ça, c'est une avancée qui est assez importante et qui, à mon avis, devrait faire sens dans les milieux féministes, je pense. Ouais, non seulement c'est important, c'est très nécessaire. C'est nécessaire. Il y avait des féministes qui ont dit qu'il ne faut pas entrer dans le violent, dans la guerre, où il ne faut pas participer. Moi, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. On a besoin de se défendre et cette guerre, c'est contre nous. Nous, des femmes. Les premières femmes. Et après, c'est deux autres choses. Donc, c'est nécessaire, c'est une chose vitale, en fait, pour les femmes sur la place. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'ai une dernière question. La gestion des prisonniers et des criminels liés au terrorisme. Il y a 2 ans et demi, 3 ans de ça, il y a une réunion un peu discrète qui est passée tranquillement sur les fonds d'investissement contre le terrorisme. Et c'est un truc international. Hein. Et il y a plein de super nations, comme des nations bien, bien patriarcales, bien commerciales, bien capitalistes, qu'on proposait de reverser à plein de petits pays frontaliers d'Afrique, comme ça, des dividendes genre faramineux pour la gestion justement de ces criminels-là. Moi, je voudrais rebondir là-dessus parce que 80% du fonds d'investissement contre le terrorisme, il sert à payer des subventions carcérales pour les pays qui justement prennent en charge ces terroristes-là, soi-disant. Et le Rojava n'en bénéficie pas actuellement, hein, évidemment, parce que c'est pas considéré comme un état, c'est pas étatique, comme beaucoup de gens l'ont. Et moi je voulais rebondir là-dessus, est-ce que justement ce fonctionnement de non-droit et de non-gestion des crimes et de non-prise en charge des victimes, est-ce que c'est pas quelque part aussi une déformation du système liée à ça, qui permet les fonds supplémentaires ad vitam aeternam, quoi. Là, j'avoue, j'ai pas d'informations supplémentaires là-dessus. Je peux pas grand-chose à dire. Non. peut-être moi, j'aimerais poser une question qui n'est pas très, très claire pour moi, qui est au début, est-ce que au début, au tout début du mouvement du Rojava, est-ce qu'il y avait, moi j'imaginais la possibilité d'un État kurde est vécu comme étant impossible. D'un point de vue logique, on peut se dire qu'on peut commencer à un niveau local, à s'organiser à un niveau local, que c'est une alternative à former un État. Est-ce qu'un raisonnement comme ça au départ, quelles sont les personnes qui ont conceptualisé au départ et comment ça? Par rapport à cette question de l'État kurde ou pas d'État kurde, déjà j'ai unanimité au sein des Kurdes, ne serait-ce politiquement, puisque le PKK a cette approche, mais pas les autres partis, et même au sein des, je ne parle pas des cadres du PKK, mais au sein des partisans du PKK, c'est pas non plus une question complètement réglée. Il y a des Kurdes, par exemple en France, qui soutiennent le PKK, mais qui sont d'un Kurdistan. Donc on n'est pas sur un truc qui fait consensus. Mais le projet politique du PKK, effectivement, ne demande pas la création d'un État-nation parce que c'est une structure oppressive qui va reproduire des discriminations. Par contre, et ça je le dis juste à partir, je précise à partir de la lecture des écrits en anglais, c'est-à-dire que j'ai pas lu les sources originales en turc et en kurde, donc j'ai pas tout lu, je fais à partir de ce que j'ai lu, quoi, je précise. Mais l'idée en gros du projet qui a été théorisé par Öcalan en s'appuyant sur le municipaliste libertaire, en s'appuyant aussi sur les léninistes, sur la vision de l'État, en s'appuyant sur d'autres penseurs, mais j'ai un petit trou de mémoire donc je vais pas me risquer à dire des bêtises, mais s'il y a un truc qui ressort, c'est que on remet pas en question dans un premier temps les États-nations. On demande à s'établir à l'intérieur une autonomie politique, culturelle, etc. Sous la forme du confédéralisme démocratique, sous la forme de conseil. Et puis on essaye de le faire dans les quatre parties du Kurdistan. Et puis quand c'est fait dans les quatre parties du Kurdistan, bah on commence à passer à l'échelle supérieure, c'est-à-dire à faire des conseils qui regroupent les quatre parties. En fait, on commence à faire du transnationalisme. Et quand on en est arrivé là, finalement, les frontières, elles finissent par tomber, puisqu'on s'est réussi à s'organiser entre quatre États. De ce que j'ai lu, c'est un peu ça que j'ai compris comme cheminement à long terme, en fait, du projet. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire on veut casser l'État, mais sûr qu'ils, au final, font tomber les frontières. Voilà. Oui, mais justement, actuellement, merde, il ne faut pas que je me mette là. Actuellement, avec l'arrivée des Turcs, ça montre bien que l'absence de frontières fragilise le projet. Alors, oui, ce que je disais là, c'est dans un long terme, un très long terme. Mais à court terme, tel qu'on est actuellement, effectivement, là, pour le coup, la revendication de ne pas faire tomber les frontières, elle était pensée aussi pour dans le but de contrer une invasion turque. De se dire, si on se fait attaquer par la Turquie, faire appel à la légitimité du territoire national syrien, etc. Et c'est ça aussi, c'est en ça que était demandé le retour militaire du régime, et ça n'a pas marché de manière spectaculaire pour le moment, quoi. Mais ça fait partie des arguments, par contre, administration autonome et de sa diplomatie, de faire appel aux États occidentaux et aux Nations Unies sur regarder la Turquie viole l'intégrité territoriale d'un pays, d'un État reconnu. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes parti des arguments qui sont déployés actuellement et qui sont pour le moment tout à fait légalistes? Okay. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore juste une petite remarque. Dire en tout cas en France, jamais il est parlé de la Turquie qui envahit un territoire qui n'est pas le sien. C'est juste une opération défensive et jamais il est parlé d'invasion à un territoire, même syrien d'ailleurs. Il est comme s'il n'était même plus reconnu comme syrien du fait de l'abandon de la durée. En fait, pour les médias, c'est comme s'il appartenait plus à personne. Oui, bah, enfin, on rappelle, hein, la Turquie, c'est un État colonial. Voilà, impérialiste et colonial. Enfin, impérialiste, mais colonial en tout cas. Et du coup, sa propagande est, de ce côté-là, plutôt marché dans les médias. Le fait qu'ils peuvent aller envahir une zone qui, légalement, n'est pas sur leur territoire sans que personne ne dise rien, oui, ça montre effectivement ce que tu disais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. C'est pas une question, c'était pour réagir sur le municipalisme libertaire tel qu'il a été théorisé par Bookchin. En fait, dans ce qu'il propose, lui, c'est en effet comme un territoire petit, dans lesquelles on passe à la fois par l'aspect légal, c'est-à-dire par l'élection locale. Alors il est archi contre l'élection étatique, c'est-à-dire tous ceux qui vont aller dans l'élection étatique, faut qu'ils dégagent parce qu'il y a un problème. Que l'élection populaire, c'est-à-dire que les groupes commencent d'abord à faire parler de leurs projets, à discuter avec les populations autour avant de construire justement les assemblées comme tu en parlais tout à l'heure, et que ça passe, et ça c'est une des choses très intéressantes par rapport au mouvement municipalisme en France notamment, par la lutte armée. C'est-à-dire que pour qu'il y ait ce territoire qui devienne autonome de l'État, il faut ces trois dimensions-là, les assemblées avec éducation populaire, la prise de la municipalité par des élections légales et la protection du territoire par et c'est à partir de là, donc sur la question territoriale, en effet, comme tu le dis, avant de pouvoir ensuite dépasser la notion de frontière, il faut définir ces territoires. Ensuite, plus ça va, plus on fait des alliances avec les autres territoires qui mettent en place ces mêmes pratiques, et jusqu'à un moment où ce réseau va faire, en fait, naturellement tomber l'État, parce qu'il sera plus utile, en sachant que, et c'est exactement ce qui se passe au Rojava, cette milice, elle est là pour éviter que l'État vienne réprimer, parce que, et ça on l'a vu, mais même, je prends l'exemple de la ZAD ou d'autres choses, il n'y a pas besoin d'aller attaquer l'État pour qu'il vienne. À partir du moment où on veut s'en passer pour créer quelque chose d'autogéré et de coopératif, qui se passe de la façon dont il gère en général le territoire, c'est lui qui va venir pour dire « Oh, oh, oh, ça ne va pas ce qui se passe à l'intérieur ». Et c'est pour ça qu'il faut une milice. Parce que s'il n'y a pas de milice et que ça passe par exemple que par le législatif, et bah dans ces cas-là, ils vont trouver hein, les trucs de droit qui vont faire en sorte de faire dégager la personne ou mettre des pressions et d'autres choses. Et pour éviter aussi, enfin, cette question d'occuper les municipales de façon aussi légale pour éviter d'autres, comment dire, qu'il y ait une corruption aussi, etc. Le rapport armé ou la milice fait que ce sont les personnes du territoire qui gèrent le territoire, contrairement à une milice étatique qui va gérer pour d'autres personnes. Enfin, là, il y a plein d'exemples un peu par. Voilà. C'était pour compléter. Super. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres. Question. Moi, simplement par rapport à ce que tu disais, si dans le projet il y a l'établissement, à partir du moment où il y a une organisation locale, il est prévu de mettre en place une milice, à ce moment-là, le pouvoir central, l'État central, ne va jamais être d'accord, non ? Ouais. Ok. Voilà, ben je sais pas si on a fait le tour et que plus personne a des questions. On va peut-être conclure. Je voulais rebondir un peu pour clôturer ou rouvrir peut-être sur d'autres formes de discussion après sur ça. On disait que aucun État n'est allié du Rojava. Effectivement, c'est un projet révolutionnaire, démocratique, qui fait seulement quelques alliés de circonstances tactiques de temps en temps pour se protéger, pour éviter des massacres. Mais c'est aussi pour ça que c'est super important de se mobiliser, parce que le seul soutien qu'on peut avoir, que le Rojava peut avoir, c'est des soutiens de brigades internationales, c'est des soutiens de citoyens, c'est des soutiens des combattants qui vont là-bas, des brigades internationales qui vont combattre à leur côté, mais il y a aussi des soutiens citoyens, des mobilisations. Et ils appellent vraiment à une mobilisation internationale sur cette question. Il y a un mouvement pour Rojava, il y a Défendre Rojava aussi,